Les participants à la 7e conférence de la Fédération générale des syndicats de Corée ont assisté au théâtre La Lignée, au récit chanté et dansé Autobiographie de la jeunesse et au spectacle donné par la troupe de propagande artistique des ouvriers du comité central de la Fédération générale des syndicats à l'occasion de la 7e conférence de la Fédération sous thème « La direction du maréchal Kim Jong-un est vitale pour la Fédération générale des syndicats ». Par ailleurs, ils ont assisté au spectacle des organisations de base de l'Union des syndicats pour la 7e conférence de la Fédération générale des syndicats de Corée, visité l'exposition des succès de la Fédération générale des syndicats et se sont amusés au parc aquatique de Munsu.